Bonjour et bienvenue chers auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue dans cette émission Forum Jeune. Au micro, Pacifique Chouaïro, je vous tiens compagnie durant ces 30 minutes. Aujourd'hui, des jeunes adolescents font face à plusieurs distractions. La télévision, l'internet sont des outils qui facilitent l'interaction entre les citoyens du monde, dont les jeunes. De nouvelles habitudes et de nouveaux comportements influencent ces derniers. La sexualité reste un domaine sous l'influence de ces canaux de communication et des évolutions des mentalités. Un domaine également qui touche aujourd'hui presque toutes les tranches d'âge. Un domaine où les jeunes sont plus que concernés du fait de leur fragilité. Aujourd'hui encore, malgré les évolutions, parler de la sexualité entre parents et enfants reste un défi. L'absence de dialogue peut entraîner des conséquences fâcheuses dans certaines situations. Dans cette émission, nous verrons dans quelle mesure les parents peuvent promouvoir l'éducation sexuelle et surtout la manière de le faire. Voilà, je venais de vous le dire, chers auditeurs, nous sommes dans Forum Jeune. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec une psychothérapeute, Madame Nibaruta, médiatrice. Madame, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans cette émission Forum Jeune. Merci beaucoup. Ce n'est pas la première fois que vous êtes au plateau pour cette émission. Non. Ça faisait longtemps. Oui, ça faisait longtemps. D'emblée, si on parle de sexualité chez les jeunes, qu'est-ce que vous comprenez en tant que psychothérapeute? Ce sont des relations sexuelles entre deux personnes. Ça peut être de même sexe ou de sexe différent. Si vous parlez de même sexe ici au Burundi, ça donne l'air d'un frisson. C'est facile aujourd'hui d'aborder des questions de sexualité si on parle de relations sexuelles entre deux personnes de même sexe. Ça, moi, personnellement, je considère ça comme une déviation. Donc, quand il y a relation entre personnes de même sexe, moi, je trouve ça, c'est pas la vie des autres, mais moi, je trouve de pathologique. Une histoire de pathologie, mais dans le général, aussi, un jeune ou une jeune doit être éduqué au niveau de la sexualité. Est-ce une nécessité aujourd'hui, vu les comportements des jeunes? Oui, c'est vraiment très nécessaire. Lorsqu'on est parent, on est responsable de l'enfant. Et on doit lui dire des choses, quitte à ce qu'il soit construit comme un être responsable de ses actes et un être vraiment qui est informé. L'ignorance, vraiment, c'est un obstacle sur le développement psycho-affectif de l'enfant aussi et le développement en général. Donc, il faut éduquer l'enfant sur le plan sexuel. Moi, je trouve pas de problème là-dessus. On a toujours parlé d'éduquer les enfants sur le plan sexuel, mais en pratique, c'est facile. Bon, moi, je trouve que c'est facile, sauf que quand l'enfant est encore trop jeune, il faut pas aborder certains thèmes qui ne sont pas vraiment adéquats à l'âge précis. Mais quand vous avez un enfant, il faut commencer à construire l'amitié dès le bas âge. Et quand il est adolescent, alors vous allez aborder les questions très pertinentes comme la sexualité. Si vous laissez l'enfant l'aborder avec ses amis, peut-être qu'ils vont donner des informations nocives ou qui peuvent le conduire dans des comportements à risque. Justement, vous parlez de situations pertinentes de sexualité. Vous êtes parent, un enfant doit grandir. Par étapes, qu'est-ce que l'on peut faire? Nous avons le bas âge, et nous avons l'étape de l'adolescence, même de la puberté des fois. Nous avons aussi le petit adulte, comme on aime le dire, à toutes ces différentes étapes. Qu'est-ce que l'on peut faire en tant que parent pour que on puisse sentir qu'on est dans le bain de l'éducation sexuelle pour son enfant? La période cruciale, c'est pas l'adolescence comme on pourrait le croire. La période cruciale, c'est la période de la prime enfance, avant même la conception, parce que l'homme existe avant la conception et l'enfant existe avant la conception. En tant que parent, il faut penser à l'enfant avant de l'avoir. Comme être qui existe dans vos seins ou dans le sein de sa maman. Donc, il faut éviter les blessures psychologiques au premier abord, Parce que c'est ce qui empêche quelqu'un d'être soi-même. Quand on a des blessures psychologiques, on peut adopter des comportements qui peuvent être dérangeants à l'entourage ou aux parents. Donc, ça devient un peu compliqué. Si on parle d'une grossesse, par exemple, comment l'enfant qui est conçu pourrait développer un certain comportement sexuel vu la manière dont les parents se sont comportés pendant la grossesse. C'est un peu compliqué. Donc, quand il faut avoir un enfant, il faut avoir pensé à lui au premier abord. Il faut penser à son nom. Il faut commencer à lui parler quand il est dans le sein de sa maman. Il faut lui faire des bisous. Il faut en tout cas le préparer à être ton ami. Tu ne vas pas lui dire des choses intimes alors que vous n'êtes pas amis. Il va avoir peur. Quand vous avez développé l'amitié, vous allez aborder même les questions. Je peux vous dire, par exemple, ma fille de 5 ans commence à me demander qu'est-ce qu'est le cotex. Quand elle voit le cotex, elle me dit, ça c'est quoi? Maman, c'est quoi? Je ne sais pas si elle a des informations insuffisantes là-dessus. Je lui ai donné rendez-vous à 13 ans, 12 ans, 15 ans. Je vais lui expliquer de quoi il s'agit. Mais pour le moment, elle peut me poser la question alors qu'elle sait déjà cela. Je ne sais pas où elle peut observer ça, mais je m'abstiens à répondre, mais je lui donne rendez-vous. Donc, quand vous développez l'amitié... À la place de l'explication du cotex, qu'est-ce que vous pourrez lui dire à 5 ans? En termes de sexualité. Non, je lui dis, tu sais, je vais t'expliquer ça à 5 ans. Et quand j'aborde certaines questions, est-ce que tu as un copain? Tu ça, c'est ton copain quand elle me dit, ça, celui-là est mon ami. Je lui demande, quels sont tes amis à l'école? Il me dit, mon ami, c'est tel, il y a un petit garçon là. Et je lui demande, est-ce que c'est ton copain? Elle me dit, elle sourit un peu, et je commence à aborder la question. Quand elle aura 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 à 12 ans, elle aura commencé ses formes de copinage, là j'aurai préparé le terrain pour l'aborder. Je dis pas que n'importe quel parent peut procéder comme je fais. En psychologie, chaque cas est un cas à part, mais il y a la sagesse. Si on trouve que c'est difficile pour soi, on peut approcher les psychologues ou il y a le coaching familial, c'est facile pour le moment, il n'y a pas à avoir des soucis. Hein. Mais chacun est un cas à part. Même si... Imaginons par exemple, madame, si votre fille ou la fille de quelqu'un ou un garçon dit « tel ami de l'école me plaît », qu'est-ce que directement on peut faire pour en tant que part? Je l'écoute. Ça, je ne vais pas réprimer. Je pense que les parents burundais qui m'écoutent vont dire « Non, madame, tu exagères. » Ce n'est pas l'exagération. C'est la façon d'aborder les choses et la meilleure qu'elle soit. Donc, je vais l'écouter. Par exemple, l'écoute ne se fait pas n'importe comment. Je l'écoute et il te plaît. C'est bon, est-ce que tu l'aimes? Tu es en amour avec lui? Qu'est-ce que tu sens en toi? Il va m'expliquer ses ressentis et je vais lui demander est-ce que il y a les bienfaits d'être en cette relation? Oui, elle m'explique les bienfaits. Est-ce qu'il y a les conséquences dans cette relation? Elle m'explique aussi. Et toi, qu'est-ce que tu peux choisir? Je l'aide de cette manière, au lieu de reprimer, de lui dire que ça se fait pas, que ça existe pas, alors qu'on l'a fait nous-mêmes quand on était jeunes, donc ça serait pas vraiment honnête. Est-ce que pour un parent qui n'a pas été éduqué de la sorte, c'est facile pour lui d'aborder de tels sujets pour son enfant qui grandit aujourd'hui? Non, on ne se comporte pas de la façon dont on est grandi dans des familles. Et quelqu'un est éduqué par la société, par l'entourage. Donc, on peut changer de mentalité. Dans les familles où il y a la répression, chez les parents autoritaires, on trouve souvent des comportements déviants que chez les parents démocratiques. Donc, il ne faut pas être un parent laisser aller. Il ne faut pas être un parent négligent. Il ne faut pas non plus être un parent autoritaire. Il faut être un parent démocratique. Ça arrange les choses. Privilégier l'échange. Oui, l'échange et dès le bas âge. On peut, des fois j'ai des adolescents qui viennent dans mon cabinet et me disent, tu sais, les parents veulent développer des amitiés avec moi alors qu'ils ne l'ont pas fait dans la prime enfance. C'est impossible et je les comprends. Donc si tu veux être ami de toi-même, si tu veux lui communiquer tes valeurs, il faut être ami de lui dès le bas âge. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait alerter les parents vu le comportement des jeunes, surtout des jeunes adolescents, c'est la période, même si vous dites que peut-être on peut diviser de votre façon, mais on voit que les jeunes, pour les filles, surtout de 13 à 16 ans, ce sont des gens qui se comportent comme des personnes adultes. Oui, à moitié adultes, à moitié enfants. Ce sont des enfants, Françoise Dolto dit que c'est un enfant qui aurait un syndrome de Marc, c'est-à-dire ni enfant, ni adulte, donc fragile. Il faut se comporter un parent responsable et informé du stade auquel l'enfant est. Certains parents diront qu'à cet âge, on est insaisissable. Non. Même si les enfants, les adolescents montrent que ils n'ont pas besoin des parents, généralement ils veulent qu'on les empêche quelque chose. Si vous laissez faire ou vous n'agissez pas à certains comportements, c'est déséquilibrant chez l'enfant. Donc il faut que le parent soit un peu démocratique et dans cet âge-là, c'est vraiment prudent. Sinon, on risque de perdre son enfant. Je vous rappelle que l'émission c'est Forum Jeune. Aujourd'hui, nous entretenons avec une psychothérapeute, Madame Nivaruta, médiatrice. Elle est aussi coach dans ce domaine de la psychologie. Forum Jeune, c'est pour vous les jeunes. Nous parlons de la sexualité chez les jeunes et surtout pour les jeunes adolescents. Madame Nivaruta, on parle de l'influence de la télévision, de l'internet sur le comportement des jeunes. Est-ce que vous admettez que c'est les outils de communication aujourd'hui influent beaucoup sur le comportement de ces jeunes? Oui. Ça, c'est vraiment très fréquent et c'est des fois ça peut porter atteinte au bien-être psychologique de l'enfant. Et là, il n'y a pas de contrôle. Quand il a son téléphone, il a son smartphone, il va visiter des sites qui ne sont pas vraiment à reconstruire. Donc, c'est pourquoi je privilégie la relation entre parents, enfin, dès le bas âge. Et quand vous avez noué de relations qui sont de plus en plus fortes, vous allez l'aider à faire de votre comportement le sien. Psychologiquement, comment ça se présente le mécanisme? Comment l'image est perçue sur Internet ou sur la télévision parvient à influencer le psyché, comme vous le dites, de l'enfant? Généralement, chez l'adolescent, il n'a pas encore atteint la maturité, c'est-à-dire que son cerveau n'a pas terminé de grandir, surtout le lobe frontal, c'est-à-dire il va imiter ce qu'il voit dans le smartphone ou sur Internet. S'il s'agit des comportements sexuels, par exemple, les pornographies, la fille ou le garçon, ça agit, même chez l'adulte, ça agit sur le système nerveux central et ça va provoquer des influences des hormones sexuelles et il va être en besoin de la sexualité. S'il trouve l'opportunité, il va passer à l'acte. Donc, c'est pour cette raison que les parents doivent gérer les comportements des enfants et la gestion commence dès le bas âge. Si vous proposez des choses, l'enfant peut ne pas accepter. Mais quand vous avez transmis votre être, vos valeurs, votre manière de voir les choses, l'enfant peut facilement se ranger de votre côté en n'adoptant pas les comportements à risque. On aime voir de former de copinage avant le mariage et c'est fréquent pour les adolescents et des fois dans cette période de, même certaines filles tombent enceintes. Et pour ces genres de copinage, c'est bon ou c'est très mauvais, interdit de le faire? Oui, il y a une autre formule de passer au copinage qui ne blesse pas. Généralement, ça peut étonner plus qu'un, hein? Mais moi je dis que le copinage c'est pas mauvais. Même quand je fais l'encadrement des jeunes adolescents en vacances, je leur dis que quand vous nouez des amitiés, il faut une certaine responsabilité. Il faut penser faut s'imaginer, est-ce que je suis amoureux de telle fille ou de tel garçon, quels sont les avantages et les inconvénients, et la gestion de ces relations. Sinon, tomber amoureuse de quelqu'un, c'est sans être comme ça. C'est un mécanisme naturel. C'est naturel, mais il faut gérer. Parce que généralement, c'est l'amour qui dure peu de temps. Ce sont les passions, ce sont des choses qui sont passagères, donc il faut les gérer avec précaution. Les gérer avec précaution, justement, comment faire, comment procéder? On est en amour avec quelqu'un, il faut pas faire des rapports sexuels, vraiment, ça c'est pas nécessaire. Être en amour avec quelqu'un, ça ne signifie pas faire des rapports sexuels. C'est ce que je dis, quand on passe quelque part et qu'on entend, on sent qu'on prépare de bons aliments avec je sais pas comment on les appelle, les choses là qu'on met dans les aliments. On met les condiments. Oui. Et ça sent bon, tu as envie d'en manger, tu viens de l'école, tu es lycéen, tu vas pas aller toquer chez quelqu'un, donne-moi je sens que vraiment vous avez préparé de bons aliments et donne-moi à manger. Non, on ne fait pas ça. Vous conseillez beaucoup de monde et ça a été toujours dans les églises et partout, on conseille les jeunes d'adopter un comportement, de s'abstenir, mais curieusement, c'est difficile. Qu'est-ce qui rend difficile ce comportement responsable, cette abstinence? Ce sont des comportements à risque. Si tu vas avec quelqu'un de sexe différent dans une chambre et vous pensez, il commence à te toucher et ça stimule le système nerveux central, ça produit des hormones, tu vas passer à l'acte. Donc, si tu veux pas faire des rapports sexuels, éviter des comportements à risque. Et si on est quelqu'un qui veut aller loin dans la vie, on ne doit pas faire du n'importe quoi avec son sexe. Le sexe, c'est pour se reproduire, c'est pas pour badiner avec. C'est ce que je dis moi. Les autres peuvent dire autre chose, mais moi, c'est ma conviction. Si tu veux aller loin, il y a des comportements qu'il faut éviter. Mais pourtant, il y a des gens qui disent que si on n'a pas effleuré le monde de la sexualité pendant l'adolescence, c'est des fois difficile de consolider votre foyer avec votre mari, si vous êtes femme ou votre épouse. Pour moi, c'est archi faux. La sexualité, c'est pas le fait de faire rencontrer l'appareil génital féminin et masculin, c'est plus que ça. C'est au-delà de ça. Ce qui consolide le foyer, c'est la relation au quotidien. Ce sont les relations. C'est pas l'amour, non, par ailleurs. Les gens pensent qu'on est en bonne relation avec son conjoint, qu'on l'aime, mais ce n'est pas ça. C'est la vie sentimentale. C'est la qualité des relations que vous nouez au quotidien. Vous lui faites ça, vous faites ça, ça constitue le nœud. Du bien-être en couple. C'est pas avoir fait gaspiller l'amour chez des passants, c'est pas ça vraiment, non. C'est pas ça. Donc, vu que ces gens ne se trompent pas. Bon, non, il faut se faire. D'ailleurs, il faut pour ceux qui le font, c'est leur affaire. Mais pour ce que je conseille, donc je pense qu'il serait mieux de sauvegarder son amour, sa sexualité et attendre le moment opportun. Vraiment, c'est très important. Sinon, on peut soit tomber enceinte ou attraper des maladies sexuellement transmissibles ou perdre la valeur. Donc, c'est rester vraiment quelqu'un qui est fidèle à soi-même et à son futur conjoint, c'est très important. quel est le mécanisme qui fait que une personne normale au point de vue sexuel, après X temps, devient, entre guillemets, anormale ou développe une déviation, une certaine déviance sexuelle. On passe, par exemple, des histoires d'homosexualité, de lesbianisme. Bon, ça dépend de la qualité parentale. Si on est dans une famille où il y a une maman qui prend le rôle de papa, il y aura des problèmes d'identification. Moi, je les classe là-bas et je pense que les autres peuvent expliquer autre chose, mais moi, d'après les connaissances que j'ai, ce que j'ai lu, donc ces problèmes d'identification, il y a des violences sexuelles. Comment ça se passe concrètement? Ce sont des mécanismes intrapsychiques. Et on ne peut pas justifier ça concrètement, mais quand on est dans le complexe d'Édipe, il y a les enfants qui s'attachent à un parent par rapport à un autre. Il y a les phénomènes d'identification qui sont très forts dans cette période de complexe d'Édipe. C'est à situer dans cette phase d'enfance, de phase de développement psycho-affectif de l'enfant. À quel niveau, à quel âge? Entre jusqu'à 5 ans. C'est là où le complexe d'Œdipe se liquide complètement. Je pense que s'il y a eu problème d'identification dans cet âge-là, et problème d'identification à un parent ou à un autre, qu'il y a ce genre de problème chez le jeune adulte et adolescent. Il y a toujours ce besoin d'encadrer les jeunes au point de vue sexuel pour les parents, pour les éducateurs. Qu'est-ce que vous conseillerez à tout ce monde qui s'agit de l'éducation des enfants pour que après, à l'âge adulte, leurs enfants soient des personnes responsables sexuellement? Aujourd'hui, Alain, c'est facile, hein? C'est facile parce que dans le temps, il n'y avait pas de psychologue. Donc, pour le moment, il y a le coaching familial. Ça, c'est très important. Même ceux qui veulent fonder le foyer devraient passer chez le psychologue pour s'entretenir sur certains comportements qu'il faut éviter ou qu'il faut encourager. Et donc, si le psychologue est spécialiste de comportement et il est formé pour ça. C'est ça. En attendant, peut-être pour ses parents qui ne peuvent pas vous approcher parce qu'après tout, c'est payant. Oui, c'est payant. Mais on a toujours conseillé. Dans la vie quotidienne, qu'est-ce que ces gens peuvent faire? Dans la vie quotidienne, ils peuvent lire. Je conseille toujours à chercher des connaissances. Si vous ne consultez pas, au moins, lisez les livres. Il y a des livres qui parlent des comportements des parents, des différents thèmes vraiment qui sont très intéressants. Vous avez parlé de l'échange entre enfants et parents. Comment un parent peut-il développer cet échange pour justement aider son enfant à se développer? Bon, de base, quand votre femme est enceinte, il faut apprendre à parler à l'enfant. Et vous ne pouvez pas parler à l'enfant lorsque vous ne parlez pas à votre femme. Hein. Il faut privilégier de bonnes relations entre les couples et les familles en général. Voilà, c'est la fin de l'émission Forum Jeune. Je remercie Madame Nibaruta, médiatrice et psychothérapeute et en même temps coach. Merci pour avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie aussi. Voilà, Forum Jeune d'aujourd'hui, on parlait de comportement sexuel chez les jeunes et surtout la manière dont il faut gérer ces comportements pour les parents afin que, à l'âge adulte, ces enfants deviennent des personnes responsables sur le plan sexuel. Je vous remercie à vous tous ceux qui étaient à l'écoute de Radio Sangana dans cette émission. Au micro, c'était moi, Pacifique Chubahiro. Un prochain rendez-vous est fixé à lundi à 17h, pour la suite des programmes de la Radio Sangana.